Pas les paroles. C'est quoi les paroles? Porque te vas. Porque te vas. C'est que le refrain, hein, j'ai fait en française. J'ai pas les paroles. J'ai pas les paroles. Est-ce que tu peux m'écrire juste le refrain? J'ai pas les paroles. J'ai pas les paroles. Et Et un corazón, mi corazón. ¿Por qué te vas? Ok, chef. Mon ordinateur, il aime pas quand on regarde Internet. C'est une vieille machine. Ça risque de bugger parce que je lui demande un peu trop à mon ordinateur de chercher les paroles. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Je suis nul, attends. Junto la estación, je suis pas très bon. Junto la estación, l'oreille igual que niño. ¿Por qué te vas? Catastrophe. ¿Por qué te vas? Junto la estación. Non, j'arrive pas, moi je suis nul en espagnol. ¿Por qué te vas? El corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No. Oui, viens chanter plutôt, ce sera plus facile. ¿Por qué te vas? Porque en el paso, j'étais très mauvais en español. Pourtant, mon grand-père est espagnol, mais c'est un catastrophe. Non. Ah merde. Ah presque. J'ai pas la basse. Tu veux le couplet, toi? Tu veux le couplet, toi? So Desperté, pensar en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Thank you. pas d'avion ni de bateau. Briser enfin le noir et blanc de ton décor. Forcer les portes de barrage. Elle vient d'où cette musique? Pourquoi j'ai de la musique là? Ah, c'est là. Thank you. d'enfants, il en faudra combien pour qu'il devienne un grand? Combien de fois qu'il faudra tomber et sans pleurer apprendre à se relever? Un homme petit à petit, et tu vois le soudain, les coups, quand tu nous arrives, oh, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Oui, j'aime bien Minecraft, mais c'est pas vraiment une musique qui m'énerve. Et je préfère quand il est au piano. J'ai dit. Qu'est-ce que j'ai pensé? C'est pas, il s'énerve, c'est pas du tout son style.